Le maréchal Kim Jong-un, président du Parti du Travail de Corée, président du Comité des Affaires d'État de la République populaire démocratique de Corée et commandant suprême de l'Armée populaire de Corée, a inspecté le commandement de la Grande Unité Combinée 380 de l'Armée populaire de Corée avec Fang Yong-so, Choi Ryong-hae et Lee Yong-gil. Il a fait le tour de la stèle à l'inspection du général Kim Jong-il, de la salle d'éducation aux faits révolutionnaires et de la salle d'historique. Voyant avec attention des données précieuses, il a affirmé que grâce à la direction éclairée et au son méticuleux du président et du général, la grande unité combinée s'est transformée en puissance d'élite prête à la fois à l'attaque et à la défense d'une guerre moderne. Devant les photos du général inspectant en février 1999 les exercices de combat alpin des militaires de cette troupe et des familles de militaires, appréciant leur succès et se faisant photographier en souvenir avec eux, le maréchal Kim Jong-un a recommandé que les officiers et soldats de la grande unité combinée ne doivent jamais oublier une grande attente de notre général qui a privilégié et conduit pas à pas la troupe. Il a déclaré que la grande unité combinée 380 de l'armée populaire de Corée a accompli dans le passé des mérites éclatants dans la défense de la patrie et l'éducation socialiste, et surtout est expédiée en urgence à la remise en état de la région nord-sinistrée et exécuter infailliblement l'ordre du parti sans égard à toutes les difficultés pour ainsi faire preuve sans réserve de l'esprit de lutte de notre armée populaire avant de complimenter haut les actions d'éclat des officiers et soldats de la troupe. Le commandant suprême a estimé la troupe qui renforce l'éducation dans la salle d'éducation aux faits révolutionnaires et la salle d'historique et souligné de dynamiser l'éducation pour apprendre les exploits de direction du président et du général, l'histoire et la tradition fière de la troupe. Faisant le tour de la maison des militaires, il a fait remarquer que comme l'homme ne peut vivre sans nourriture, le révolutionnaire doit avoir la nourriture idéologique et spirituelle et qu'il faut toujours s'investir à intensifier l'éducation en 5 points présentée par le parti pour faire des militaires les guerriers inflexibles toujours fidèles à la foi révolutionnaire, même devant la mort, pour la défense de la patrie socialiste. Après avoir écouté le rapport sur le plan d'opération de défense de la grande unité combinée de la part du commandant en chef dans la salle d'études militaire, le commandant suprême a examiné des documents de combat. Et dans la salle de cours opérationnelle et à d'autres endroits, il s'est informé en détail de l'état de l'accomplissement de missions et des exercices, ainsi que des préparatifs de combat réguliers des sous-unités. Le commandant suprême a apprécié que les commandants et les officiels de l'état-major de la grande unité combinée étudient en profondeur des idées stratégiques et tactiques militaires de notre parti, des méthodes de combat originales, ainsi que des expériences de la lutte armée anti-japonaise et de la dernière guerre de libération de la patrie, d'une part, et d'autre part, approfondissent des manières de guerre ennemies effectuées ces dernières années, le développement rapide des sciences et techniques militaires et une modification des tactiques stratégiques qui en découlent pour élaborer des projets opérationnels et tactiques bizarres et intelligents permettant de réaliser toutes les opérations et combats à notre manière. Le commandant suprême s'est montré satisfait du fait que tous les exercices simulent des combats réels, que tous les champs d'entraînement sont animés de la campagne d'exercice Baek-Tusan, de sorte que les militaires se fassent guerrier à un contre-sens, maîtrisant diverses méthodes d'action de combat, et que surtout, on est en train de faire impeccablement des préparatifs d'exercice avec une grande ardeur d'imprimer des innovations collectives dans les exercices de combat et politique de la nouvelle année. Le maréchal Kim Jong-un a estimé très importante la mission de la grande unité combinée 380 de l'armée populaire de Corée et présenté des tâches de valeur de programme pour intensifier par tous les moyens les préparatifs de combat et la combativité de la troupe. Il s'est montré rassuré de la zone de défense de cette troupe et convaincu que tous les officiers et soldats de la troupe défendront sûrement avec les armes la patrie socialiste en progression vigoureuse vers la victoire finale avant de se faire photographier en souvenir avec eux.